Ajahn Chah. Être ce qui est. Le filet du braconnier. Première partie. Est-il possible de n'avoir ni maux, ni douleurs physiques, ni fièvre, ni maladie? En tant qu'être sensible, nous sommes prisonniers, prisonniers des filets de Mara. Note de l'éditeur. Mara est la personnification de la tentation, du mal et de la mort. Fin de la note. Quand nous sommes pris dans ces filets, Mara peut nous faire tout le mal qu'il veut, s'en prendre à nos yeux, à nos oreilles, à nos membres, à tout. C'est comme quand quelqu'un prépare un piège pour attraper un animal, qu'il tente un filet, creuse un trou ou appâte un hameçon. Quand un oiseau vient manger des graines près du filet et se fait prendre, que peut-il faire? Pris par le cou, où peut-il aller? Il essaie de voler mais ne peut s'échapper. Il se débat mais ne peut casser le filet. Ensuite, le braconnier qui a placé le piège arrive et voit l'oiseau prisonnier, comme il l'espérait. Il se saisit de lui, et si l'oiseau se débat ou essaye de le piquer, le braconnier peut lui casser le bec. S'il essaye de s'envoler, il peut lui couper les ailes. S'il essaye de courir, il peut lui briser les pattes. C'est le poseur du filet qui a la haute main et, quoi que fasse l'oiseau, il n'y a pas d'échappatoire. Nous sommes pris au piège de la même manière. Le Bouddha a vu et compris les choses clairement, en accord avec la vérité. Il était prince héritier et jouissait de tous les trésors et de tous les privilèges associés à sa position royale. Mais quand il aperçut la réalité des choses, il a renoncé à tout. De manière parfaitement claire et indubitable, il a vu la nature de l'existence ordinaire et sans regret, il l'a laissée derrière lui. Considérant cette façon de vivre comme un danger, il a pris la fuite. Il a vu que, du fait qu'il avait été piégé par la naissance, il était comme un oiseau pris dans un filet. Le nœud était autour de son cou et il a reconnu le danger. C'est pourquoi il a tout abandonné et tourné les talons. Après son éveil, il a montré dans son enseignement ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas, dans ce monde où règne l'incertitude. Il a refusé de se laisser submerger et noyer par l'incertitude. Il a refusé de mourir de cette façon. Il a refusé de se laisser prendre au filet. C'est ainsi qu'il a été capable de renoncer au monde, de s'en retirer. Ayant vu, ayant atteint la réalisation, il a alors dispensé l'enseignement qui allait nous permettre d'avoir cette connaissance. Pourtant, bien qu'il nous ait expliqué les faiblesses et les dangers du monde, nos obstacles mentaux nous empêchent de les voir. L'esprit est parfois tellement obscurci par les pollutions mentales, tellement sombre, qu'il continue à accumuler souffrances et désirs. Si nous observons bien les choses, nous pouvons voir le fardeau et la souffrance qu'il représente. Comme il est dit dans les textes, la naissance est souffrance. Nous sommes nés dans ce monde. Souffrons-nous? Nous sommes entrés en contact avec la naissance. Nous avons des bras et des jambes, des yeux et des oreilles. Et quand toutes ces choses viennent à exister, c'est tout simplement la souffrance qui vient à l'existence. Il nous faut alors trouver un moyen de survivre. Nous luttons pour subvenir à nos besoins, pour élever une famille, et ainsi de suite. Nous entrons en contact avec quelque chose et nous nous retrouvons piégés dans l'attachement. Nous touchons quelque chose d'autre et nous nous y embourbons. Nous nous inquiétons et nous angoissons pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre richesse et nos possessions. Du simple fait que nous soyons nés, tout peut dégénérer à tout moment. Les oreilles peuvent être atteintes de surdité, les yeux devenir aveugles. Les membres peuvent souffrir ainsi que toute autre partie du corps. Nous ne pouvons pas y échapper parce que nous sommes piégés dans le filet du braconnier. C'est donc maintenant à lui d'agir comme il le souhaite. Il va peut-être prendre soin de nous et nous élever, ou bien nous casser le bec et nous couper les ailes. Ce piège, c'est le démon des agrégats, ou le démon des afflictions. Le problème, c'est que, dans leur grande majorité, les êtres humains ne comprennent pas le Dhamma et veulent seulement échapper à la réalité. Ils font de leur mieux pour l'éviter et se débattent pour la fuir. Ils ne veulent pas que les choses soient comme elles sont et souhaitent qu'elles soient autrement. Ainsi, du fait du désir sensoriel, du désir de devenir et du désir de ne pas être, nous ne faisons que créer de la souffrance. Le Bouddha nous a donc appris à étudier le corps de près pour faire naître le désintéressement, le détachement, le désenchantement, et pour que nous voyions que ces conditions ne sont pas un être, un individu ou un moi. C'est comme pour le travail dans les champs. Quand la moisson mûrit, on met un épouvantail pour que les oiseaux ne viennent pas picorer les grains de riz. On attache de la paille autour de quelques bâtons pour fabriquer une forme que l'on habille ensuite d'une vieille chemise et d'un pantalon. Les oiseaux en ont peur et ne mangent plus le riz qui a maintenant une chance de mûrir. Ensuite, nous le récolterons et le travail sera fait. L'épouvantail nous a rendu service, et pourtant, il ne s'agissait que d'un squelette fait de paille et de bâtons. Une fois la moisson récoltée, nous abandonnons l'épouvantail dans le champ, et c'est tout. Nous sommes comme cet épouvantail. Quand la conscience quitte le corps, il ne reste rien. Rien de plus que le squelette de paille. L'épouvantail dans le champ ne va nulle part, et finalement, il est simplement abandonné sur place. Mais pour le moment, nous pouvons bouger. Nous pouvons nous déplacer. Nous avons toutes sortes de pensées et de sentiments, le désir de faire des choses, de voyager. Nous pensons à aller quelque part, et nous y allons. Nous choisissons de rester sur place, et nous y restons. Nous voulons danser, chanter et jouer comme on le fait dans le monde. Pour dire les choses simplement, c'est comme si nous attendions le jour de notre mort. Le temps de la récolte arrive, le riz est moissonné et engrangé, et l'épouvantail est abandonné dans le champ. Quand le jour de la moisson arrive, nous partons. Celui qui ne connaît pas le début et la fin des choses éprouvera tour à tour joie et tristesse, et continuera à tourner en rond, refusant la maladie quand il tombe malade, refusant la vieillesse quand il vieillit, refusant la mort quand il meurt, refusant de voir la vie disparaître. Mais les choses sont ainsi. Nous ne comprenons pas la loi de la nature. Nous voulons que les choses soient stables et qu'elles durent éternellement. Je suis ceci, elle est cela. Tout est vu en termes de moi et de mien, sans jamais considérer le Dhamma. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fin de compte, tout le monde doit tout laisser derrière. Gain matériel, réputation, gloire, souffrance ou bonheur, tout est laissé ici dans le monde, car ces choses sont accomplies dans le monde. Nous, les humains, ne sommes pas différents d'un oiseau confiné dans une cage ou un poisson dans un bocal. Quand le propriétaire veut s'en saisir, il le fait. S'il veut les tuer, il peut le faire parce qu'ils sont piégés dans la cage ou le bocal. Telle est la souffrance dans la ronde du samsara. Il n'y a pas moyen d'y échapper sauf en apprenant le Dhamma pour connaître la vérité des choses. Pour voir le Dhamma, n'allez pas chercher loin. Si vous regardez au loin, vous ne verrez rien. Si vous doutez du Dhamma, regardez-vous. Regardez ce corps et cet esprit. Qu'y a-t-il en eux de certain, de stable? Dans quelle mesure sont-ils vous? Quelle essence contiennent-ils? Sont-ils sûrs, permanents ou durables? Il n'y a pas une seule parcelle de ce corps, ni de cet esprit qui soit ainsi. Il n'y a pas une seule parcelle de ce corps, ni de cet esprit qui soit ainsi. Nous avons des cheveux, et ils vont blanchir. Nous avons des dents, et elles vont s'abîmer, puis tomber. Les oreilles entendront moins bien, la vue faiblira, la peau deviendra sèche et ridée. Pourquoi en va-t-il ainsi? Parce que nous n'avons aucun pouvoir pour forcer les choses à obéir à nos vœux. Elles suivent leur propre nature et n'écoutent les ordres de personne. C'est comme si nous voyions une rivière couler vers le sud et que nous souhaitions la voir couler vers le nord. Est-ce possible? Nous ne pouvons qu'être frustrés. L'eau coule vers le sud et nous voulons qu'elle coule dans la direction opposée. Quand pourrons-nous jamais résoudre une telle situation? Est-ce l'eau qui a tort? Est-ce nous qui avons tort? Cette attitude ne peut qu'engendrer de la frustration. Les choses suivent leur propre loi. La nature est ainsi. Quel que soit notre désir de la forcer à être autrement, elle suit sa route. Que faire alors? Si nous fonctionnons ainsi, où pouvons-nous trouver le bonheur? La rivière continue à couler dans la même direction et nos pensées ne peuvent changer son cours. Si nous essayons d'y faire quelque chose, nous constatons que c'est au-delà de nos possibilités. Le Bouddha voulait donc que nous pratiquions la méditation, que nous écoutions le Dhamma et que nous observions les choses attentivement pour les voir dans leur vérité, la vérité de la rivière. Si elle coule vers le sud, laissons-la couler dans cette direction. Ne nous battons pas contre elle. Si un individu possédant l'œil de la sagesse se tient près de la rivière, la voit couler vers le sud et peut l'accepter parce que c'est dans la nature des choses, il ne connaîtra ni conflit ni frustration. L'eau coule ainsi, et puis c'est tout. C'est le Dhamma, c'est la nature. Il y a le vieillissement, la maladie et la mort. Au début, il y a la naissance, au milieu le vieillissement, et à la fin la décrépitude et la disparition. Ceux qui peuvent contempler cette vérité et la voir clairement seront en paix. Le Bouddha a enseigné la sagesse qui connaît les sankharas. L'eau est sankhara. Ce corps que nous croyons être moi est simplement composé de terre, d'eau, de feu et d'air, et tous ces éléments sont dans un flux constant. Depuis que nous avons été conçus, depuis que nous sommes nés et arrivés dans le monde, nous sommes poussés par ce flux. De petits enfants, nous sommes devenus adultes, nous avons mûri, et puis nous avançons vers la vieillesse. Le flux nous a entraînés jusqu'à ce jour, s'écoulant selon les lois de la nature. Note de Jeanne Schutt. Le terme sankhara peut avoir deux sens. Dans le premier, il concerne tous les phénomènes conditionnés, autrement dit tout ce qui a un commencement et une fin, une naissance et une mort. Le second sens concerne le quatrième agrégat. Il fait donc référence à la pensée ou aux formations mentales. En thaï, il peut aussi se référer au corps. Fin de la note. Quand nous constatons cela, nous voyons qu'il ne s'agit pas vraiment d'une personne, de moi ou de quelqu'un d'autre, mais simplement de la nature. On peut toujours s'en lamenter. Cela n'y changera rien. On peut en rire. Ce sera toujours la même chose. On peut essayer de la freiner. On n'y arrivera pas. Elle n'essaie pas de faire plaisir à qui que ce soit. Le Bouddha nous a pressés d'observer cela en profondeur. La nature n'a rien de permanent ni de stable. Si nous ne la connaissons pas telle qu'elle est, elle devient source de souffrance parce qu'elle n'est pas un être, une personne, un moi ou quoi que ce soit. Il n'y a que terre, eau, feu et air. C'est tout. Et à la fin, ils se séparent et disparaissent. Telle est la loi de la nature. Si nous souhaitons pratiquer le Dhamma et vivre en accord avec le Dhamma, nous devons observer la nature. Avez-vous remarqué les arbres? Il y en a des grands et des petits, des gros et des longs. À la saison sèche, les feuilles tombent. Avec les pluies, elles reviennent. Quand vient le moment de tomber, elles tombent. Quand vient le moment de pousser, elles poussent. Quand vient le moment de se décomposer, elles se décomposent. Exactement comme nous. Telle est la nature des sankharas. Nous naissons, nous vieillissons, nous tombons, et puis nous reprenons naissance. Tout comme les arbres, comme les feuilles, nous ne sommes pas différents. Dans la forêt, il y a de beaux arbres et des arbres moins beaux. Certains sont grands et droits, d'autres penchés et tordus. Certains ont une essence, d'autres n'en ont pas. Exactement comme les gens, il y en a des bons et des mauvais, des droits et des fourbes. C'est aussi la nature. Mais dans le cas des arbres, quelles sont les causes et les conditions de leur existence? Ce sont la terre et l'eau qui les nourrissent et leur permettent de pousser et de fleurir. Pour nous, les humains, c'est le karma. Le karma, ce sont les actions qui font qu'aujourd'hui nous sommes forts ou faibles, sages ou manquants de sagesse. Les arbres ont des saisons qui sont celles de la nature. Les humains apparaissent en fonction de leur karma, de leurs actions. Quand on agit bien, les choses tournent bien. Quand on agit mal, les conséquences sont douloureuses. De belles actions rendent la vie belle, tandis que des actions laides apportent la laideur. Cette vérité de l'existence des êtres s'appelle le karma. Aujourd'hui, par exemple, pourquoi écoutez-vous ces paroles? Vous êtes venu chercher un certain type de karma. Vous voulez trouver la paix, être heureux, ressentir du bien-être. Le fait de prendre et d'observer les préceptes, de pratiquer la méditation et d'écouter les enseignements est une cause racine qui crée la source et engendre du karma positif. Quand on écoute le Dhamma, il faut qu'il y ait la compréhension. Si votre compréhension est grande, les fruits seront abondants. Si votre compréhension est limitée, les fruits seront rares. Si votre vision juste est limitée, il y aura beaucoup de souffrance. Avec beaucoup de vision juste, la souffrance disparaîtra et la tranquillité viendra. Aujourd'hui, vous êtes venus ici chercher une nourriture spirituelle. Nous essayons d'éduquer l'esprit en regardant extérieurement et intérieurement. Cela s'appelle venir pratiquer le Dhamma. À travers tout ce corps, le Dhamma existe. Nous pouvons le voir clairement sans avoir à chercher bien loin. Et quand nous le voyons clairement, nous sentons venir un manque d'intérêt et un détachement. Il nous vient une désaffection par rapport au monde. Il y a une certaine peur aussi, et le mental la rumine avec inquiétude. C'est pourquoi le Bouddha nous a incités à pénétrer les réalités de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort, à les voir selon les lois de la nature, c'est-à-dire le Dhamma. Si nous voyons les choses selon les lois de la nature, on peut dire que nous pratiquons le Dhamma. Nous découvrons que nous, les humains, ne sommes pas différents les uns des autres. peu importe de quel village, de quelle province ou de quel pays nous venons. Si nous regardons vraiment, nous verrons qu'il n'y a pas de différence entre nous. Au début, nous naissons. Au milieu, nous changeons. Et à la fin, nous disparaissons de ce monde. C'est la même chose pour absolument tout le monde. Le Bouddha voulait donc que nous contemplions la vertu morale et le Dhamma pour comprendre que les autres sont comme nous et que nous sommes comme eux. À partir de là, il peut y avoir compréhension et pardon parce que nous sommes tous semblables. Nous sommes frères et sœurs par la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort. Nous faisons tous partie de ce même clan. Quand nous savons cela, un sentiment de détermination très fort pénètre notre cœur. Nous méditons sur le corps et nous savons que nous sommes tous pareils. L'enfant de quelqu'un d'autre est comme notre enfant. Les parents des autres sont comme nos parents. Notre propre existence est comme celle de quelqu'un d'autre. L'autre est exactement comme nous. Si l'esprit en vient à voir les choses ainsi, c'est la fin des mauvaises actions, la fin de la jalousie et des conflits, la fin de l'agressivité. Voir les choses ainsi, c'est avoir la vision juste. Et si la vision est juste, on est sur la voie car, dès lors, la pensée est juste, l'action est juste, la façon de gagner sa vie est juste, la parole est juste, l'effort en méditation est juste. Tout est juste quand on est entré sur la voie par la vision juste. Si nous agissons ainsi, nous pratiquons toujours le Dhamma, où que nous soyons. Le Bouddha nous a demandé de regarder en nous. Il n'a pas pointé vers le ciel ou la terre, les montagnes ou les nuages. C'est en nous que se trouve le Dhamma. Si nous apprenons à nous connaître, l'attachement et la saisie commencent à se désagréger, à faiblir, à se retirer. C'est grâce à ce regard intérieur que cela peut se produire. Si nous ne voyons pas les choses, l'attachement ne peut pas diminuer. Il n'y a pas d'espace pour respirer. Ceux qui pratiquent le Dhamma devraient avoir conscience des fruits de leurs efforts. Il ne s'agit pas de pratiquer sans avoir la moindre idée de ce qui se passe en soi. On doit le savoir. Savoir si on pratique correctement ou pas et quelle sorte de résultats on a déjà obtenu. Sans cela, on ne récolte aucun fruit de la pratique et il ne se passe pas vraiment grand-chose. C'est comme si la personne agissait parce que quelqu'un lui a demandé de le faire, comme si elle suivait les autres aveuglément. On lui a dit de le faire, alors elle le fait, mais sans être présente à ce qui se passe en elle. Le Bouddha voulait que nous ayons du discernement, que nous soyons fins, que nous utilisions la sagesse pour voir et connaître les choses dans l'instant présent. Il ne s'agit pas d'attendre la mort pour avoir la connaissance. Si nous n'avons pas la vision juste et la connaissance maintenant, nous n'en saurons pas davantage plus tard. C'est maintenant que nous devons voir. Lorsque nous étudions bien notre corps au point de finir par nous en désintéresser et nous en détacher, nous voyons que nous sommes comme l'oiseau dans le filet ou le poisson dans le bocal. À tout moment, n'importe qui, n'importe quoi peut nous sortir de là et nous détruire. Nos membres, nos sens et nos organes, notre corps, peuvent nous lâcher à tout moment. C'est leur caractéristique. Nous ne pouvons pas les en empêcher. Ils ne nous obéiraient pas. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont aucune réalité. Ils ne sont pas vraiment nous. Nous ne pouvons pas compter sur eux. Ce ne sont pas vraiment nos jambes, nos bras, nos yeux ou nos oreilles. C'est seulement dans la réalité conventionnelle qu'on les décrit ainsi. Ils ne sont neutres que dans les mots. Si chacun de nous contemple ces choses, la forme, les ressentis, les perceptions, les pensées et la conscience, qu'on les appelle les cinq agrégats, les dhammas de la forme et du nom, ou simplement le corps et le mental, puisque finalement c'est de cela qu'il s'agit, nous voyons qu'il n'y a rien d'autre, rien qui soit très éloigné. Le Bouddha a dit « Bhikkhu, ceux qui observent leur esprit échapperont au filet de Mara. » Mais connaissons-nous vraiment l'esprit ? Il nous dit de pleurer et nous pleurons. Il nous dit « ris » et nous rions. Et quand il pousse à désirer quelque chose, nous le désirons. Tout cela n'est pas tellement difficile à voir. En réalité, l'esprit devrait être facile à former, mais les gens ne lui apprennent rien. S'il se met en colère, disciplinez-le immédiatement. Prenez le bâton et il se tiendra bien. Mais nous ne nous entraînons pas comme cela. Si vous vouliez vraiment apprendre, oh, jamais vous ne dormiriez comme vous le faites actuellement. Vous ne vous contenteriez pas de sombrer dans une stupeur chaque nuit. Entraînez-vous à préparer ce moment. Quand vous posez la tête sur l'oreiller, sentez l'air qui entre et qui sort de vos narines et dites-vous « Ah, ce soir, je respire encore. » Dites-vous cela tous les jours. Pas besoin de beaucoup de chants et de récitations. Simplement dites-vous « Est-ce que je respire encore ?» Vous vous réveillez le matin et vous vous dites « Hé, je suis encore en vie. » Le jour passe, la nuit revient et, à nouveau, vous vous dites les mêmes choses. Demandez-vous « Si je m'allonge, vais-je me relever ?» Reposez-vous un petit moment et puis levez-vous. Quand vous êtes fatigué, avant de vous allonger, posez-vous la même question. Il faut faire cela régulièrement, jour après jour. Si vous persévérez sans faille, les choses vont se mettre en place et vous verrez. Vous verrez la vérité de ce que l'on prend pour moi et les autres. Vous verrez ce que sont les conventions et les suppositions. Vous comprendrez de quoi il s'agit réellement. À partir de là, ce qui est lourd devient léger, ce qui est long devient court, et ce qui est difficile devient facile. Mais avant tout, il faut générer de l'enthousiasme pour cette tâche. Ensuite, on peut y arriver. Si vous faites partie des paresseux qui ne veulent que dormir, qui gagnerez-vous ?